Le soir sera ce soir. Le soir sera ce soir incroyablement beau. La plage s'alanguit au bord de l'onde vague. La lueur du soleil s'éteint comme un flambeau. Et le ciel, que le vent de tout nuage élague, tremble si longuement dans le miroir de l'eau que ton être, enivré par le flot pur, divague et rêve de mêler son âme avec la vague qui, tel que dans un drame antique sans défaut, se referme sur elle alors comme un flambeau.